Messieurs, tout ça, vrai, ça t'a pas devant nous. Écoutez tout ça qu'a dit. Messieurs, tout ça, vrai, nom l'a pas devant nous. Ça veut te parler pour côté. C'est chaud pas automobile là, le radio cassette à yo. Kavre ou kavini, ka jene la circulation. Yo e mizika yo, a fond an loto la. Ka oule si fil gosh la, pa gata han le zirjan. Se chauffa automobile la yo, pa ka vwe ou ka vini, ka jene la circulation. Yo e mizika yo, a fond an loto la. Ka ou le si fil gosh la, pa ka tan an le surchans. Roule, roule, roule, roule, roule, roule. Kawan loto la, katan ka kone ou. Sab si se maman ou, sab si se papa ou. Kamene ale, kawa ou ka fipwe. Tout moun ka gade ou. Ou pas tranquille, oui, en peau. Ah, ah.